Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans ce 728e numéro d'Electric Shock. Ravi de vous accueillir une fois de plus pour ce numéro qui va donc vous décrasser les oreilles pendant deux heures de métal en fusion. Mais si vous êtes derrière votre transistor, vous savez donc déjà ce qui vous attend, j'imagine. Donc ce soir, eh bien, il y aura des nouveautés au nombre de 4. On se fera un hommage aussi à Dan McCafferty, qui était donc le chanteur légendaire du groupe Nazareth, qui a disparu mardi dernier. Donc, quand on se fait un hommage la semaine dernière, on va réparer ça aujourd'hui. Et aussi, normalement, nous devrions découvrir un nouveau groupe qui s'appelle Demago. Donc, nous devrions tailler le bout de gras avec un des membres du groupe tout à l'heure. Mais ça, il faudra attendre à peu près aux alentours de 20h. Et puis sinon, comme d'habitude, petit survol de l'actualité du métal, qui est toujours en ébullition, toujours des sorties, toujours des petites choses, des concerts, maintenant que tout est reparti. Donc, voilà, voilà. Vous êtes prêts? Eh bien, on va commencer tout de suite avec un des coups de cœur de cet automne. C'est les Lyonnaises de The Foxy Ladies, trois punkettes vraiment énervées, qui nous ont délivré un petit album vraiment sympa qui s'appelle Not Sorry. Et on va commencer tout de suite avec My Fault, le morceau de ce soir. Yeah. Girl, extrait de Back from the Dead, le dernier opus de Hellstorm sorti au printemps dernier, et Hellstorm qui sera en concert à Paris au Dôme, ce qui est l'ancien palais des sports, en première partie de Alter Bridge, une bien belle affiche complétée par Mammoth WVH, le projet donc du fils Van Halen. Juste avant Hellstorm, tout droit venu de Lyon, The Foxy Ladies et leur troisième album Not Sorry, c'était My Fault. Continuons maintenant avec quelque chose d'un petit peu plus brutal. On va retrouver le groupe Mezcla, que je vous ai présenté la semaine dernière, avec son album Vidas Suspendidas, donc mélange de death metal et de flamenco, à l'instar un petit peu de nos locaux d'Impureza. Donc Mezcla nous délivre vraiment un trash sans concession, par exemple comme avec Noche Sin Luna. Bah écoutez, il semble qu'il y ait un problème parce que le morceau me dit qu'il part bien, mais... Eh oui, ce sont les inconvénients du direct. Donc je vous le refais repartir à nouveau. Donc le groupe Mezcla avec le morceau Noche Sin Luna. Yeah. gentlemen ahead. De lance de la scène deathcore québécoise, c'était à l'instant Get the Shot et leur quatrième album Merciless Destruction, et c'était le morceau Deathbound. Donc avant, juste avant, c'était Mezcla, alors je m'excuse pour mon accent espagnol, avec le morceau Noche sin Luna, extrait de leur album Vidas Suspendidas. On va changer complètement de registre avec la première nouveauté de la semaine, avec du blues parisien, avec un album d'un gars qui s'appelle Fab Zorey. Alors Fab Zorey, c'est un gars qui vient de Lyon à l'origine, qui a joué dans pas mal de groupes rock à ce moment-là. Et il a du coup, c'est la pérégrination l'a amené à Paris, où il a fait pas mal de choses. Il a fait un trio qui s'appelait Zorey Dehors, où il a joué pendant presque 10 ans. Il a fait un spectacle musical aussi avec qui s'appelait Les Apaches, qui a duré quand même jusqu'en 2017. Et puis là, il vient donc de faire un album solo qui est un mélange de chansons rock, blues, basé un petit peu sur la vie parisienne. Donc, il s'appelle Blues sur Paname, qui vient de sortir. Et ce qu'on va s'écouter tout de suite maintenant, c'est le morceau que tu me demandais. Tu me demandais une chanson pour tous les jours. Tu me demandais, je te la ferai avec ce qui me reste. Je marchais sur ta bouche, piétinais ton corps. Je bavais sur toi comme un porc. Je n'avais pas conscience de ce pourquoi. Puis tu me cherchais, de ce que tu me demandais. On était toujours tout seul et on se déchirait. On se marchait sur la gueule et souvent ça enflait. Et puis, après 2-3 bouteilles, on se répandait. Une belle chanson d'amour, tu me répondais. Une chanson pour tous les jours, tu me répondais. Je te la ferai avec ce qui me reste. Que banal, il faut peut-être renaître plus loin les étendards, le temps de rien. mais il faut bien qu'on se lessive. Quant au placard, on mangeait des tiges de pince à linge à la main. Mais la vie est si rose des fois. Même si c'est trop noir, c'est trop blanc. J'entends la voix de la saison, c'est les prêles venant grand pont. Oui, mais le cœur a ses lésions. J'ai mes raisons, ne cherche pas. Je suis solide comme un toc, fort comme un truc au rein sordide. Et dans la démesure du possible, je m'occupe essentiellement d'écrire la vie si rose des fois. La seule tombe j'avais une dire. Au pire, écoute le air violent, puis tais-toi. Les trous noirs, un extrait de Négligé Chic, le dernier album de Soan. Juste avant, la première nouveauté de la soirée, Fab's Oreille, et le morceau Tu me demandais, qu'on peut trouver sur l'album Blues sur Paname. Tout à l'heure, en tout début d'émission, quand je vous ai passé Alstom, je vous disais qu'il serait en première partie de Alter Bridge, qui sera donc en concert demain au Dôme de Paris. Et bien, justement, on va se faire un morceau du dernier album de Alter Bridge, qui est sorti donc au mois d'octobre, qui s'appelle Pawn and Kings, que vous devez commencer un petit peu à connaître, qu'on en passe régulièrement dans Electric Shock. Ce soir, je vous invite à partir en holiday. Put up a fight. I'm down to Ça, c'était un des coups de cœur de l'année 2021. Wolfgang Van Halen, le fils Van Halen, et son projet Mammoth WVH et Mr. Head. Juste avant, c'était donc Alter Bridge avec Holiday, un extrait de Pawns and Kings, leur dernier album sorti donc au mois d'octobre. Et Alter Bridge, Mammoth, WVH ainsi que Hellstorm, je vous rappelle, seront donc en concert donc demain soir au Dôme de Paris. Changeons de registre encore une fois avec l'album de Nothing But Echoes que je vous ai présenté la semaine dernière. Groupe de metal moderne, aussi bien influencé que par le hardcore que par le progressif. On y trouve des influences telles que Hypnose, Architects, The Ocean, Les Prousses, enfin plein de choses. Enfin, c'est très très riche musicalement, comme vous allez pouvoir le constater sur ce morceau épique qui s'appelle Forever Lost. Ouf, éprouvant dans le bon sens du terme. Et n'oubliez pas que vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et c'est l'heure d'Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'était donc Nothing But Echoes avec un extrait de l'album The Six Extinction. C'était le morceau Forever Lost. Deuxième nouveauté maintenant qui suit. Alors c'est pareil, là je vais vous emmener dans un univers quelque peu cauchemardesque et bizarroïde. Avec le troisième album de Magoyand. Alors Magoyand, oui, ça doit vous dire quelque chose puisqu'on vous avait présenté le précédent album en 2019. Donc là, ils nous sont revenus avec leur troisième album qui s'appelle Necropolis. Alors c'est toujours un métal d'avant-garde, aussi bien cinématographique avec plein de références culturelles, cinématographiques, chantantes. C'est chanté en français. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire que Magoyand, il y a un regard cynique, amusé. Je pense que ça vaudrait le coup de faire un concept. Chaque album est plus ou moins conceptuel. Enfin, il y a des choses très intéressantes. Et ben, je vous invite à découvrir ce nouvel album avec le morceau L'Ordre de l'Ombre. Déjà tout un programme. Et ce petit intro, le prélude, qui nous met déjà dans une ambiance déjà assez glaciale. Faisant couler le sang, agissant dans l'ombre des gouvernements, tirant les ficelles des rois et des puissants, incitant des guerres sans aucun survivant, droit de vie, de mort auprès du plus offrant. Par le passé, tant d'empires détruits, de destinées brisées. Nous régnons en maître depuis tant d'années, régissant le monde par notre volonté. Un glorieux chaos en toute impunité, bouleversé pour l'éternité. Ainsi s'achève le règne de l'ombre. disais que c'était théâtral, mais qu'est-ce que c'est bon. Magoyonde, Lord de l'ombre, avec sa petite intro, le petit prélude. Tous deux extraits de leur troisième album Nécropolis, sorti donc le 28 octobre dernier. Et ça, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. On va faire un petit bond dans le temps, malheureusement, puisque là, on va faire un hommage donc à Dan McCafferty, qui était le chanteur donc d'origine du groupe Nazareth. Nazareth, c'est peut-être pas les groupes les plus connus en France, c'est pas là qu'ils ont fait une très brillante carrière, mais par contre, c'est un groupe qui a influencé énormément de monde, et qui en Angleterre a été quand même un gros truc dans toute la première moitié, la deuxième moitié des années 70 jusqu'au début des années 80. Le groupe existe toujours, hein, malgré tout. C'est vrai que, par exemple, si vous vous souvenez, cet été, on avait déjà fait un hommage à Manny Charlton, qui était le guitariste d'origine, voilà aussi. Puis bah, maintenant, c'est le tour de Dan McCafferty. Dan McCafferty avait déjà quitté le groupe en 2013, déjà pour raison de santé, et maintenant, donc voilà. Paix à son âme. Donc, on va se faire un classique de la légende écossaise avec Razamanaz, qui était le titre donc, de leur troisième album studio sorti en 1973. On s'en est choisi une version live, extrait d'un live sorti en 2001 qui s'appelle Back to the Trenches, live 1972-1984. Donc, petite compile entre 72 et 84. Et on va se faire un petit extrait donc enregistré en 72 au Canada. Donc, Razamanaz, le classique. We'll be right back. c'est bien rock'n'roll. Slade avec Take Me Back Home, un de leurs classiques, donc extrait du coffret All the World is a Stage, et ça c'est extrait du CD Live à The Hucknall Miners Welfare Club, enregistré en décembre 1980. Petit voyage dans le temps aussi juste avant avec Nazareth et son grand classique Razamanaz qui lui était extrait de l'album live Back to the Trenches Live 1972-1984 sorti en 2001, et ça c'était donc en hommage à Dan McCafferty qui était le chanteur d'origine et qui est décédé donc mardi dernier. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure en début d'émission, on va découvrir un groupe très intéressant qui s'appelle Demago. Donc vous voyez, rien que le nom déjà, c'est tout un programme. Et là, j'espère qu'on n'aura pas de problème technique, ça je prie pour qu'on n'ait pas de problème technique, car justement, j'ai la chance de pouvoir donc tailler le bout de gras en direct par téléphone, qu'est-ce que c'est beau la technique, avec un des membres du groupe. Ah, donc, on va... Allô ? Ah, nous avons eu un petit problème technique. Oui, c'est, ou alors que j'ai fait une fausse manip, peut-être. Allô ? Oui, on a eu un petit problème technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça le convénient du direct. Donc, je recommence la manip. Je suis vraiment désolé, mais là je crois qu'on a vraiment un petit problème technique ce soir, car ça ne veut pas passer du tout, je ne sais pas ce qui se passe. Je refais une tentative, hein, car bon, le chanteur, le gars est super sympa, il réessaye. Bon, je retente encore, hein, je suis vraiment désolé. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai bien peur que nous remettions ça la semaine prochaine, car bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais un problème technique fait que je n'arrive pas du tout à passer à l'antenne l'artiste qui était prévu. C'est dommage, parce que c'était très intéressant ce qu'il avait à raconter, mais bon, ce n'est que partie remise, on remettra ça la prochaine fois. Donc... Eh bien, on va continuer le programme avec donc ce qui était initialement prévu. On va changer donc de registre, toujours en live. On va passer maintenant un extrait de l'album de Marillion, Distance Lights, que j'avais présenté la semaine dernière. Un live qui est donc hors commerce, mais que j'ai acheté lors du concert à Paris. Et donc, on va se mettre ça tout de suite maintenant. We'll be right back. Unmasked Magnifique, hein, vous la laissez vraiment jusqu'au bout. C'était One Tonight, un extrait du morceau The Leavers de Marillion, enregistré à Port Zeeland lors d'une des conventions que le groupe fait tous les ans en 2019. Juste avant, enregistré à Leicester en 2019 également, un extrait de l'album Holidays in Eden, Cover My Eyes, donc tous deux extraits de l'album Distance Lights qui est sorti donc au printemps dernier, et c'est un album exclusif qu'on ne peut avoir que sur le site du groupe Marillion. On va se faire maintenant, il est 20h16 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, vous êtes bien toujours en train d'écouter Electric Shock, et Electric Shock c'est sur Radio Arc-en-Ciel évidemment. On va revenir donc à l'album éponyme de Bukowski, leur cinquième, avec un morceau qui s'appelle Breathing Underwater. in the light of darkness. A familiar splendor. Underwater, extrait donc de l'album éponyme de Bukowski. Oh, maintenant, on va faire un tour, quelque chose de très différent, de très onirique. Pour ça, on va retrouver Cécile Del Pollo et son album Tuola. Donc après avoir respiré sous l'eau, maintenant on va planer, on va voler très très haut avec le morceau Flying. Thank you. Cette petite parenthèse enchantée vous était offerte par Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Cécile Del Pollo et son album Tuola, mélange de dark wave et de fantasy et d'ethereal folk. Et c'était le morceau Flying. Continuons maintenant avec quelque chose de la troisième nouveauté de la soirée. Oui, ce soir, nous n'aurons que trois nouveautés, non pas quatre, étant donné que, on n'a pas pu vous passer des magots, mais bon, des magots, ce sera que partie remise. Donc, la troisième nouveauté de la soirée, c'est The Dead Daisies, le nouvel album de The Dead Daisies. Oui, vous vous souvenez que, en 2020, nous avions sorti un excellent album qui s'appelait Holy Ground, malheureusement, sorti, à la mauvaise période, puisque pandémie oblige, ils n'ont guère pu le défendre. Du coup, le groupe a décidé de ressortir un nouvel album dans la même lignée, avec toujours Glenn Hughes au chant et à la basse, dans ce groupe qui est vraiment à géométrie variable, qui s'appelle Radiance. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les interviews, enfin, les chroniques un peu partout, c'est dit tyrambique. Quelque part, je dois avouer que j'en attendais beaucoup et je suis quelque peu déçu, non, le mot est faible parce que c'est vraiment du très très bon boulot, mais Holy Ground, je trouve, avait mis la barre vraiment très très haut, et du coup cet album, s'il n'est pas mauvais, très loin de là, bien au contraire, je le trouve quand même en dessous de son prédécesseur, et c'est un petit peu dommage quand on connaît quand même le pédigré des mecs qui allaient dedans, Glenn Hughes, Doug Aldrich, et j'en passe, c'est des meilleurs, mais enfin, ceci dit, il y a nettement pire que ça, et ça reste quand même dans le haut du panier. Ça, vous me connaissez, c'est mon côté chicaneur. Donc, un extrait de l'album Radiance, sorti fin septembre, Hypnotize Yourself. No, I'm in love. Membre de Deep Purple rencontre un ancien, voilà ce que ça donne. À l'instant, c'était Simon McBride avec le morceau The Fighter, extrait donc de son album solo sorti au mois de mai dernier. Et Simon McBride, qui est actuellement le nouveau guitariste de Deep Purple, qui a donc remplacé Steve Morse. Juste avant, c'était donc la troisième et dernière nouveauté de la soirée, The Dead Daisies, avec featuring Glenn Hughes, chant et basse, qui lui est un ancien Deep Purple, puisqu'il était dans le groupe, je vous raconte, entre 73 et 76, et qu'il a joué sur les mythiques albums tels que Burn, Stormbringer et comme Test the Band. Donc là, c'était The Dead Daisies avec Hypnotize, qui était juste avant, Yourself, un extrait de Radiance, leur nouvel album sorti fin septembre. Si vous avez écouté la semaine dernière, vous avez découvert le groupe The Toes, avec qui on a taillé le bout de gras, permis de découvrir et passer un morceau de l'album From Ashes. Eh bien, on va y revenir maintenant avec ce nouvel album sorti cet été, avec le morceau The Roller Coaster. I'm Witch avec un extrait de leur album Play With Fire sorti en 2020. C'était I Wanna Lose. Et juste avant The Toes qu'on avait découvert donc la semaine dernière avec leur album From Ashes. Et là, c'était The Roller Coaster. Et si on faisait un petit tour en 77 à Des Moines où Kiss a détruit vraiment la place avec ce, avec leur concert qu'on peut enfin trouver de façon officielle dans la collection Off the Soundboard. Se faire aller de petits classiques tout d'abord. I Want You. Rock'n'Roll, Calling Dr. Love, I Want You, qui s'extrait donc du Off the Soundboard Des Moines 1977. Ça, c'est du live comme on l'aime, brut et cru. Et il nous reste quelques minutes, le temps de se faire un dernier morceau avant de partir. Bah tiens, si on retrouvait Dusk of Delusion et leur album concept Corollarian Robotic System, et on va terminer l'émission avec The Snap, extrait donc de cet album. Snap de Dusk of Delusion. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette émission. J'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine où bien sûr il y aura des nouveautés et puis des surprises comme à chaque fois. Portez-vous bien cette semaine, faites attention à vous, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. Je vous dis à mardi. Salut à tous! Da última hora, o que mais se pode adiantar sobre o que aconteceu? Esta é a informação que está a ser adiantada na rede social Twitter pelo jornalista que avançou a notícia em primeira mão. Este jornalista diz que há possibilidades de que os mísseis que provocaram